Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. C'est un monument de l'ASF. Le problème à trois corps, la trilogie de l'auteur chinois Liu Cixin. Alors, Netflix et les créateurs de Game of Thrones l'adaptent en série. Quels sont les défis pour mettre à l'écran une telle œuvre ? Deux mille pages de space opéra apocalyptique. La trilogie est un incontournable de la science-fiction. Netflix propose une nouvelle adaptation avec des moyens colossaux et l'espoir de créer un phénomène à la Star Wars. Cette œuvre est généralement qualifiée de hard SF. Astronomie, astrophysique, physique des particules, l'auteur y met en scène la science et ses outils. Le titre emprunte d'ailleurs son nom à un casse-tête mathématique de mécanique céleste. Certains y voient un traité de physique déguisé en roman, pour d'autres, c'est plus discutable. Le problème à trois corps, l'empire du milieu contre-attaque. Gwenaël Gaffric, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en langue et littérature chinoise à l'université Jean Moulin Lyon 3, spécialiste des littératures de l'imaginaire dans le monde sinophone, et vous êtes le traducteur français de la trilogie parue chez Actes Sud. Et bonjour Franck Salsis. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et le cofondateur et organisateur du festival de sciences et de SF Hypermonde à Mérignac. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France et même sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil à science CQFD, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors pourquoi est-ce complexe d'adapter cette trilogie à l'écran ? Quelles sont les particularités de la SF chinoise et comment Liu Cixin s'en distingue-t-il ? Et si la science-fiction de Liu Cixin n'est pas de la hard SF, comment la qualifier ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. On commence avec la bande-annonce de cette adaptation par Netflix. La première saison de 8 épisodes est en diffusion dès le 21 mars. Une trentaine de scientifiques est mort ces deux derniers mois. Quelle horreur. Encore un compte à rebours. Que leur est-il arrivé ? Quelqu'un ou quelque chose s'en prend aux scientifiques. Ils cherchent les esprits les plus brillants. Il y a quelqu'un derrière chaque chose. Si on creuse, on trouve. Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute. Will, on sait même pas ce qu'ils sont. Et peut-être qu'on peut pas le savoir. C'est effrayant. Vous avez le droit d'avoir peur. Mais c'est notre seule chance. Et j'ai besoin de vous. Préparez-vous à vivre un truc qui sort de l'ordinaire. Ils arrivent et vous ne pouvez rien pour les en empêcher. Tout de suite, une petite alerte spoiler. On va peu parler du contenu de la série, mais en parlant des romans, on va de toute façon divulgâcher une partie de l'intrigue. Donc si vous voulez tout découvrir dans la série, je vous invite à écouter cette émission en podcast. Franck Salsis, pourquoi cette série est-elle tant attendue ? Alors je ne sais pas exactement pourquoi la série est tant attendue, mais le livre a été un très très gros succès. Moi, je sais que c'est... je l'ai découvert avec la traduction française de Gwenaël, et il avait une réputation... disons qu'il avait beaucoup circulé dans le milieu des astrophysiciens, donc j'en avais beaucoup entendu parler. Et je l'ai lu quand il est sorti en français, et j'ai été très très pris par le roman. Du coup, j'ai pas attendu les suites des traductions. Je me suis précipité sur une autre traduction, la traduction en anglais, dont je crois le troisième tome. La traduction du troisième tome a été faite par Ken Liu, qui est un auteur célèbre. Et oui, c'est extrêmement riche. Moi, je sais que c'est le roman qui m'a remis le pied à l'étrier de la science-fiction. J'en lisais plus beaucoup depuis un moment. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Sur la série, je ne l'ai pas vue. Je suis assez curieux de la voir. Je sais qu'il y a eu une adaptation déjà chinoise de la série que j'ai pas vue. Je suis très curieux. Ça me semble effectivement très difficile, pour plein de raisons, à adapter. Donc... Et on reviendra justement sur ces raisons et sur la difficulté à adapter un tel monument. En effet, hein, l'adaptation chinoise, c'est déjà en 30 épisodes. Pour Netflix, c'est $200 millions de budget total. Hein, c'est assez monumental. Gwenaël Gaffric, on peut aussi revenir sur l'histoire de cet énorme succès de librairie. Oui, alors effectivement, cette trilogie, elle est parue en langue chinoise entre 2006 et 2010. Elle a eu d'abord, avant d'atterrir sous nos latitudes, un gros succès en Chine, en fait, mais principalement au sein de du fandom chinois, c'est-à-dire des lectrices et des lecteurs de science-fiction chinois. Elle a mis un certain temps à apparaître en français et en langues occidentales. Pour l'anecdote, en fait, les éditeurs français, au début, lorsque j'ai pu proposer, avant la parution en langue anglaise de la trilogie, ne se sont pas montrés très intéressés. Je me souviens d'un éditeur qui m'avait dit « bon, ça intéressera personne ». Et puis je pense qu'il y a eu un tournant avec la traduction en langue anglaise du premier tome, qui a obtenu le prix Hugo, donc un prix extrêmement prestigieux de science-fiction, et qui, je pense, a déclenché un petit peu la suite. Et puis depuis, comme l'évoquait un peu d'ailleurs Franck à l'instant, c'est, je crois, une trilogie qui a pas mal circulé et qui a trouvé des lecteurs qui étaient peut-être pas forcément des lectrices et des lecteurs de science-fiction au départ. Je pense que ça a touché plusieurs types de lecteurs. Elle a eu la chance peut-être d'avoir des lecteurs un peu VIP. Alors aux États-Unis, Obama par exemple en a parlé, Mark Zuckerberg et tout un tas d'autres lectrices et lecteurs. Moi, pour vous raconter une petite anecdote, alors c'est pas secret puisqu'ils en ont même parlé publiquement, j'avais eu l'occasion de rencontrer aux Utopiales, donc le célèbre festival de science-fiction de Nantes, Benoît Delpine, donc de l'équipe Groland, et qui avait lu le texte et qui m'avait dit « moi, c'est vraiment un truc que j'aimerais adapter au cinéma ». Alors, ça aurait été très rigolo de voir la version Groland de la trilogie du Problème à trois corps, sauf qu'à ce moment-là, Amazon, dans un premier temps, puis Netflix par la suite, avait déjà fait des propositions à plusieurs zéros, on va dire. Et donc, on n'aura jamais, ou peut-être un jour, l'adaptation par Benoît Delpine de la trilogie du Problème à trois corps. En attendant, ce sont en effet les créateurs de Game of Thrones qui adaptent ce classique. Comme vous disiez, un prix Hugo en 2015, Liu Cixin est le premier auteur de nationalité chinoise à être récompensé par ce prix. Gwenaël Gaffric, on peut aussi présenter un peu cet auteur. Il est né en 1963, il a écrit 8 romans, une trentaine de nouvelles, mais au départ, c'est un scientifique de formation. Oui, alors en fait, il a été ingénieur, et il a travaillé dans une centrale nucléaire. Il a, en fait, la plupart de ses œuvres, il les a écrites en amateur, c'est-à-dire que c'était pas son emploi principal. Et puis, un jour, la centrale a fermé, puis s'est concentré sur son travail d'écrivain. C'est important de préciser sa date de naissance, puisque c'est un peu un enfant de la Révolution culturelle, qui en Chine, généralement, on l'a fait dater entre 1966 et 1976. Et il fait partie de cette génération d'écrivains qui a donc grandi pendant la Révolution culturelle, qui s'est nourri du peu d'ouvrages disponible à cette époque, dont, en ce qui concerne Liu Cixin, des œuvres de Jules Verne, qui circulaient un peu sous le manteau, qui, pour le coup, chez Liu Cixin, était caché par son papa dans une valise sous le lit de la chambre parentale. Et donc, il s'est nourri de ce merveilleux scientifique. Il avait l'occasion de me raconter qu'il était persuadé au départ que ce qu'écrivait Jules Verne, c'était des rapports scientifiques. Et c'est ce qui lui a mis le pied à l'étrier de la science-fiction, où il s'est dit « Ah ouais, mais en fait, c'est génial, on peut écrire comme ça à partir de la science », ce qui lui a donné envie d'écrire de la science-fiction. Et puis, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, au moment où il se forme, où il grandit en tant qu'écrivain, il rencontre aussi un certain nombre d'événements qui ont lieu en Chine à la même époque, et en particulier un regain d'intérêt pour la science, mais peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure. Il fait partie en tout cas de cette génération d'écrivains qu'on associe généralement à ce qu'on appelle la nouvelle vague de la science-fiction chinoise, qui commence en 1989. En effet, Xi Jinping est technophile, fasciné par le développement scientifique. Un mot très rapide hein, sur le pitch du premier tome. On est sur Terre et puis après avoir reçu un message radio diffusé depuis une base chinoise secrète en pleine révolution culturelle, les trisolariens décident d'abandonner leur système et d'envahir la Terre. Ils vont mettre environ 4 siècles avant d'atteindre notre système solaire, Franck Salsis. Finalement, le sujet de cette trilogie, c'est assez classique. L'humanité est confrontée à une menace extraterrestre. Oui, ça c'est classique. Ce qui l'est moins, c'est la durée de préparation à laquelle a droit l'humanité et qui est de plusieurs siècles. Donc cette situation est assez originale de se dire, voilà, nous savons que nous allons être envahis et nous avons un peu plus de 4 siècles pour nous préparer. Mais il y a plein d'autres choses qui sont très originales dans ce roman qui balaye énormément d'aspects de territoire de la science-fiction. C'est assez difficile d'en parler sans spoiler, mais il y a, on va dire, différentes factions qui vont se créer sur Terre, certaines plus ou moins favorables à l'arrivée d'extraterrestres. Il y a un discours par rapport à l'écologie et à la façon dont on traite notre planète, qui pourrait peut-être être mieux traité par d'autres. Il y a un discours sur le futur, les directions vers lesquelles on peut aller dans le futur. Il y a tout un aspect qu'on pourrait appeler de SF un peu militaire, un peu de combat dans l'espace. Il y a tout cet aspect-là qui tourne. Enfin bon, j'en dirai pas plus. Ça va aller jusque dans les recoins, on va dire, de la cosmologie et du destin de l'univers. Donc ça touche un petit peu à tout. C'est très foisonnant et à la fois ça reste assez intimiste par rapport à certains personnages clés de l'histoire qu'on va suivre et à qui il va arriver des choses assez fabuleuses. Gwenaël Gaffric, les premiers chapitres sont assez poignants sur la révolution culturelle avec l'assassinat d'un astrophysicien. Quand le livre est paru en version papier en Chine, il n'y a pas eu de censure. Comment ça s'explique ça ? Ah, Gwenaël Gaffric, je ne sais pas si vous continuez. Ah, on a été coupé. Oui, je vous entends, je n'ai pas entendu la fin de la question. Mais sur les premiers chapitres, moi j'aime bien dire que c'est une trilogie, donc un projet fictionnel qui commence en Mongolie intérieure et qui se termine. On a visiblement des petites coupures. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est une trilogie, à mon avis, surtout sur la science et l'imaginaire que peut proposer la science dans toute son ambition, en fait. Et l'événement déclencheur qui marque le début du premier tome, à savoir la révolution culturelle et une certaine forme de mise à mort de la science, va impacter l'ensemble du récit et l'ensemble de l'expérience humaine. Je dirais que c'est aussi une trilogie de premier contact. En fait, je pense que c'est vraiment ce qui est au cœur, ce qui est un thème assez traditionnel en science-fiction. Mais ce qu'il y a d'assez singulier, peut-être par rapport à d'autres romans qui s'emparent de ce thème, c'est la dimension collective, en fait, des réactions de l'humanité, ses errements, ses atermoiements, ses erreurs, face à un événement qui est celui du premier contact. Alors, je m'interroge. Je ne sais pas si j'ai répondu, pardon, à votre question de départ. Alors, presque, pas tout à fait. Gwenaël Gaffric, je m'interrogeais en effet sur le fait qu'il n'y ait pas eu de censure sur ce livre, alors qu'on voit quand même une critique de la révolution culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on sait qu'il y a une censure très présente en Chine, en particulier sur la littérature. Oui, alors en fait, au moment où cette œuvre paraît, la révolution culturelle n'est déjà plus un tabou en Chine. Et en réalité, elle n'a jamais vraiment été, en particulier dans la littérature. Il y a tout un courant littéraire qui se développe au lendemain de la révolution culturelle, qu'on a pu désigner sous le terme de littérature des cicatrices, par exemple. Et donc, il y a toute une littérature qui évoque la tragédie de la révolution culturelle. Il y a des grands auteurs et autrices chinois qui se sont emparés de cette question. C'est le cas, par exemple, du prix Nobel de littérature chinois Mo Yan, qui a beaucoup écrit sur cette période. Donc, en réalité, la révolution culturelle n'est pas un sujet tabou en littérature. Se pose souvent la question, ce qui va être un peu plus sensible, c'est la question de la responsabilité de Mao, par exemple, qui, dans le roman, n'est évoqué que de façon extrêmement subtile et sans qu'on dise clairement son nom. Pour l'anecdote, la traduction française a repris l'ordre des chapitres qui est celui en fait de la première publication du roman, du premier tome, de façon sérialisée dans la grande revue de SF chinoise qui s'appelle donc Ren Shijie, le monde de la science-fiction, mais ordre des chapitres qui a été légèrement décalé dans la publication sous forme de livre, où on a placé, alors il n'y a pas eu de censure en tant que telle, mais le passage sur la révolution culturelle a été placé un peu plus loin dans le livre. Alors comment sont... Ah pardon, je pensais que vous aviez terminé, Gwenaëlle Gaffric. Pas de souci. Non, je disais que la révolution culturelle est aussi là comme épisode traumatisant qui justifie la suite du roman. Je crois que Liu Cixin, en s'emparant de cet événement, de cette mémoire historique, a moins voulu faire un livre sur l'histoire de la Chine que de trouver une raison qui serait suffisante pour des personnages d'en appeler en fait à l'éradication de l'humanité ou d'en appeler à un nouvel ordre. Et c'est cet épisode-là, traumatisant, c'est-à-dire la haine de l'homme pour l'homme qui s'est manifestée à ce moment-là, ou la haine de l'homme pour la science, qui sert en fait de ressort narratif à l'ensemble du livre. Alors comment s'empare-t-il de l'imaginaire scientifique, à commencer par son titre? Qu'est-ce qui a intéressé Liu Cixin dans l'utilisation du problème à trois corps en tant qu'outil de science-fiction? Reste à l'écoute, on y vient. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Gwenaëlle Gaffric et Franck Celsis, nous parlons de la trilogie des trois corps de l'auteur chinois Liu Cixin. On vient de voir que son auteur est technophile, fasciné par le développement scientifique avec une formation d'ingénieur au départ, avant d'être romancier. Que sous-tend le problème à N-corps en mécanique céleste? Et pourquoi n'y a-t-il pas de solution générale à ce problème? Voici un premier élément de réponse par le principal concerné. 3体的起源它来自于就是它最初来自于这个物理学。L'origine du titre provient du problème des trois corps en physique et en mathématiques. Je connaissais le problème des trois corps bien avant d'écrire le livre. Mais plus tard, j'ai vu un article expliquant le problème des trois corps qui m'a semblé très convaincant. Supposons que notre univers soit extrêmement simple, au point qu'il ne comporte que trois points de masse, et que ces points de masse se déplacent sous l'effet de la gravitation des autres. Nous ne pouvons même pas prédire le mouvement de trois points de masse sur la base de notre physique et de nos mathématiques actuelles. Le modèle très simple de l'univers est imprévisible pour nous à l'heure actuelle. Alors, comment pouvons-nous prédire la nature et l'univers très compliqués et diversifiés dans lequel nous vivons actuellement? Cette idée est donc très forte pour moi. Voilà la voix de Liu Cixin dans une interview le 6 avril 2023. Franck Celsis, comment résumer ce casse-tête mathématique qu'est le problème à trois corps? Oui, ben là, il a été assez bien expliqué. Peut-être que pour bien comprendre les problèmes du cas à trois corps et à N corps, il faut revenir à celui plus simple du cas à deux corps, du problème à deux corps. Donc, vous supposez un couple de deux objets massifs dans l'espace qui n'interagissent l'un avec l'autre que par leur gravité. Et résoudre le problème à deux corps, c'est être capable, à partir de la connaissance de la position et des vitesses de ces deux corps à un instant donné, de décrire leur mouvement pour n'importe quel point du futur ou du passé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été résolu par Newton, qui a montré que dans un cas comme ça, les objets décrivent soit des ellipses, dans ce cas-là, ils orbitent les uns autour des autres, le système est fermé, soit ils ont des trajectoires ouvertes, qui sont des hyperboles ou des paraboles, et ils s'éloignent les uns des autres. Et ça correspondait bien à ce qui était observé dans le système solaire, puisqu'on savait que les corps du système solaire suivaient des orbites elliptiques, suivaient les lois de Kepler. Quand on rajoute un ou plusieurs autres objets, les choses se compliquent, comme vient de l'expliquer Liu Cixin, si je traite avec ma prononciation sûrement erronée. Alors, Il y a toute une classe de problèmes différents. En fait, quand on observe l'univers, bien sûr, on voit jamais deux corps isolés. On voit plutôt des, comme même ne serait-ce que le système solaire, on voit beaucoup de corps qui interagissent entre eux par leur gravité. Mais en fait, l'immensité des systèmes gravitationnels que l'on peut observer peuvent se représenter comme, si vous voulez, un ensemble de différents problèmes à deux corps, un petit peu emboîtés les uns par rapport aux autres. Par exemple, je peux considérer un problème à deux corps qui est la Terre et la Lune. Et une fois que j'ai décrit ce problème à deux corps, je peux assimiler ces deux objets à leur barycentre, à leur centre de masse, et ensuite regarder le mouvement de ce barycentre autour du Soleil. Et je peux ensuite regarder le barycentre de ce système-là, qui va être très près du centre du Soleil, et de regarder son mouvement dans la galaxie. Donc en fait, on peut réduire la plupart des problèmes à deux corps, à trois corps, ou à n corps, à plusieurs problèmes hiérarchisés comme ça à deux corps. Mais ça n'est qu'une approximation. Et en fait, dans le système solaire, la Terre va un peu interagir avec les autres planètes, avec Jupiter, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça, en voyant les irrégularités de l'orbite d'Uranus, que par exemple Le Verrier au XIXe siècle a montré l'existence d'Uranus. Dans un système planétaire sur lequel je travaille, qui s'appelle TRAPPIST-1, qui est une étoile avec 7 planètes, on voit très bien ces irrégularités des orbites, et comme elles dépendent de la masse des planètes, ça nous a permis de déterminer la masse des planètes à quelques pourcents près. Donc on voit ces perturbations, et ça ne nous empêche pas de résoudre le problème. Simplement, il y a deux aspects importants, c'est qu'on ne peut pas le résoudre d'une façon analytique, c'est-à-dire avec une formule très simple pour décrire le mouvement comme on peut le faire avec une ellipse ou une hyperbole. Ça, c'est le premier point. Donc il faut utiliser soit des développements en série, si on fait ça, quand on le faisait avec papier et crayon, soit aujourd'hui on utilise des ordinateurs. Mais l'autre problème qui est évoqué par l'auteur ici, c'est qu'en fait, on se retrouve très souvent dans des configurations chaotiques, et ça veut dire qu'on a un horizon à notre capacité à prédire leur évolution, soit dans le futur, soit dans le passé. Dans le cas du système solaire, au-delà de quelques dizaines de millions d'années, on ne sait plus bien situer les corps et les propriétés des corps. Et donc, on est dans un système chaotique et on a un horizon. Et on a quelqu'un ici à l'Observatoire de Paris, Jacques Lascar, qui est spécialiste de ça et qui est en train d'essayer justement d'aller plus loin dans les prédictions, pour remonter le passé au-delà de cet horizon, pour essayer d'aller jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années en fait contraignant les modèles astronomiques par des enregistrements géologiques de certains cycles, par exemple les marées, les climats, etc. Donc il essaie de contourner ça. Donc il y a une vraie réalité. Et là, on parle du système solaire, mais on peut faire comme Liu Cixin et aller vers le cas, je dirais, se rapprocher du cas idéal qui intéresse vraiment les mathématiciens, qui est un cas beaucoup plus compact, où on a trois objets très proches l'un de l'autre, de masse équivalente, style trois étoiles, comme trisolar, et où là, en fait, on a un comportement extrêmement irrégulier, très chaotique, et généralement très instable. C'est-à-dire que si on s'amuse, il y a des petits programmes, il y a un jeu qui s'appelle, je crois, Star Planet Crash, où il faut arriver à faire vivre un système comme ça le plus longtemps possible. Mais généralement, ça donne soit l'éjection d'un des trois corps, soit une collision entre deux de ces corps. Et il existe toutefois quelques solutions, mais très mathématiques, je vais dire, dans le sens très idéalisé, des objets ponctuels de masse égale, qui donnent lieu à de très très belles solutions mathématiques. Et je pense que c'est ça qui a inspiré Liu Cixin. Mais dans le cas du problème à trois corps, le roman, ce qui intéresse l'auteur, c'est d'avoir un système avec trois étoiles et une planète dont le mouvement est complètement chaotique et irrégulier et imprévisible et qui va donc donner lieu à des changements climatiques très brutaux et complètement imprévisibles. Mais ça n'est pas quelque chose que l'on observe dans l'univers. On peut développer un peu plus si vous voulez. Voilà, pour résumer, si ces trois corps célestes étaient donc trois soleils, comment une civilisation extraterrestre se développerait pour survivre dans un système aussi chaotique? C'est la question que pose Liu Cixin. Gwenaël Gaffric, c'est ça qui intéresse l'auteur, c'est justement le côté instable de son système à trois corps. Oui, en fait, comme le dit bien Franck, c'est avant tout une spéculation. C'est-à-dire qu'on retrouve difficilement dans la réalité physique, mais là, je laisse à Franck le soin de préciser si besoin, ce type de phénomène. En réalité, c'est là où on retrouve en fait cette fibre de la science-fiction qui pose une question, qui à travers ce récit de science-fiction crée un monde, le décrit avec des lois physiques, avec des lois sociales impactées par ces lois physiques, pour prendre peut-être faire un pas de côté. Imaginez par exemple, je crois que c'est une autrice dont vous avez parlé sur France Culture aussi dans cette émission, Ursula Le Guin, qui joue elle avec, alors je ne vais pas la limiter à ça, mais avec l'anthropologie, c'est-à-dire qu'elle va créer des mondes à partir de lois sociales, de lois anthropologiques qui diffèrent, et elle s'intéresse à l'impact sur les sociétés, sur les individus, de lois qu'on ne connaît pas, ou encore inintelligibles, ou encore inconnues sur Terre. Et Liu Cixin fait un petit peu ça avec la physique. Il s'imagine un monde basé sur ce qu'il a pu lire de la science, sur des théories scientifiques poussées, et il essaie de regarder, d'observer la manière dont une société se construit face à ces irrégularités climatiques, face à cette question qui est centrale et qui est celle de la survie. Comment est-ce que cette société évolue moralement, éthiquement? Quel rapport elle va entretenir avec son environnement? Et c'est ce qui va l'intéresser dans cette expérience de pensée scientifique que représente la trilogie du problème à trois corps. Alors, le plus proche exemple d'un système à trois soleils, pour reprendre ce que vous étiez en train de dire, Franck Celsis, c'est notre voisin galactique, le système Alpha du Centaure, qui possède trois étoiles. Le système trisolaire est souvent comparé justement à ce système Alpha du Centaure, mais en fait, c'est pas pareil. Non, en fait, Liu Cixin a remplacé Alpha du Centaure par trisolaire. En le plaçant à la même distance, donc forcément, on ne peut que penser à ce système. 4 années-lumière de distance, voilà, comme Alpha du Centaure. 4,3 années-lumière, ouais. Voilà. Et par contre, justement, c'est comme tous les autres systèmes stellaires qu'on connaît, donc c'est vrai que à peu près la moitié des étoiles sont des étoiles seules, comme le Soleil, l'autre moitié étant dans des systèmes multiples. Ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, etc. étoiles. Il peut y en avoir, je crois qu'au-delà de 19, on appelle ça un amas, et plus un système stellaire. Mais en fait, tous les systèmes stellaires qu'on observe sont dans des organisations très hiérarchiques, comme je le décrivais. C'est par exemple Alpha du Centaure. Ce sont trois étoiles, mais en fait, on a d'une part une binaire, donc deux étoiles, qui sont deux étoiles à peu près de la masse du Soleil, qui sont séparées, d'environ 20 unités astronomiques, c'est-à-dire 20 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est à peu près la distance qu'il y a entre le Soleil et Uranus dans le système solaire, qui fait une orbite en environ 20 ans. Donc déjà, on n'a pas comme pour une étoile et une planète des objets de masse très différents. Donc, il est très difficile de dire c'est l'étoile A qui tourne autour de la B ou l'étoile B qui tourne autour de la A. Elles font une danse ensemble autour d'un centre de masse. Voilà. Et en plus, c'est sur une orbite très excentrique, c'est-à-dire que ces deux étoiles se rapprochent jusqu'à environ une dizaine de fois la distance Terre-Soleil et s'éloignent jusqu'à à peu près une quarantaine de fois. Et donc ce système qui a une période orbitale d'environ 20 ans, autour de lui, mais très très loin, à 13 000 fois la distance Terre-Soleil, se trouve, orbite, une petite étoile qui fait environ 15% de la masse du Soleil, qu'on appelle Proxima, parce qu'il se trouve que dans la configuration actuelle, elle est un tout petit peu plus proche de nous que les deux autres, et qui, elle, fait un tour autour de la binaire en un demi-million d'années. Donc, c'est pas du tout les mêmes échelles. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement hiérarchique. Donc, ça convient pas du tout pour y placer une planète, pour y passer une planète qui subirait l'influence très irrégulière, variable dans le temps, de toutes ces étoiles. Ce qu'on peut dire juste entre parenthèses, c'est qu'on recherche des planètes dans ce système. On en a trouvé au moins deux autour de la petite Proxima, qui sont des planètes. Donc, on ne connaît pas grand-chose, on connaît juste la masse minimale et la période orbitale. Proxima B, la planète, est intéressante parce qu'elle est dans la dans la zone où on pourrait avoir de l'eau liquide, donc c'est intéressant. Et l'autre système, Alpha Centauri A et B, il y aurait la place pour avoir des planètes, y compris dans une zone tempérée comme la Terre, mais on n'en a pas trouvé aujourd'hui. Ce qu'on peut exclure par les observations, c'est qu'il n'y a pas Polyphème, la planète dans Avatar, autour de laquelle orbite Pandora. Voilà, c'est un peu triste, mais ça, par contre, on peut le dire avec les observations. Une planète qui tourne autour d'une binaire, comme c'est le cas dans le système trisolaire, c'est donc possible. Mais Gwenaëlle Gaffrick, que représente le système trisolaris au regard de la société chinoise, de la rigueur de son système politique et du sens de sacrifice de cette société? Quel parallèle peut-on faire? À mon avis, pas beaucoup. Et en fait, c'est aussi ce qui est intéressant. C'est-à-dire que cette trilogie, elle a pu être lue alors sous nos latitudes aux États-Unis et même en fait en Chine comme une sorte de métaphore de ce que pourrait être une sorte de futur à la chinoise, ou alors d'une conception. J'ai même aussi vu passer cette théorie que Trisolaris ne serait-ce qu'en fait que le monde occidental avec ses armes qui menacerait la société chinoise. Je pense que dans les deux cas, ce sont des surinterprétations probablement qui non seulement sont un peu datés, c'est-à-dire qu'en fait, on disait tout à l'heure, c'est une trilogie qui reste contemporaine, mais qui a été écrite entre 2006 et 2010, et la Chine n'est pas la même à ce moment-là qu'elle l'est aujourd'hui. Je pense que tout type de lecture qui viserait à essayer de faire une sorte de métaphorisation de Trisolaris, que ce soit la Chine ou l'Occident, est sans doute un peu biaisée. Ceci dit, le fait de poser cette question est aussi intéressant, puisque ça nous renvoie aux horizons d'attente qu'on a, ce qui explique en partie, on en parlait tout à l'heure, le succès de la trilogie, à savoir qu'on a pu y voir, ou tenter d'y voir, ou penser y voir, une vision chinoise du futur. En réalité, pour vous donner un exemple assez amusant, j'avais l'occasion de discuter avec Liu Cixin il n'y a pas très longtemps, et il me disait que ce n'était pas du tout l'auteur mainstream du moment en Chine. C'est un peu paradoxal dans le sens où c'est l'auteur qui, de très loin, se vend le plus, mais il ne représente effectivement pas vraiment le point de vue ou les explorations des auteurs ou des autrices de SF chinois contemporains. Donc, on peut évidemment extrapoler, on peut, je pense, y lire plein de choses, mais je crois qu'il s'agit de garder aussi en tête qu'il s'agit d'un projet avant tout fictionnel, une expérience de pensée, comme je le disais tout à l'heure. Et pour arriver à contrebalancer peut-être aussi cette vision, moi j'invite les auditrices, les auditeurs à lire aussi les nouvelles ou les autres romans de Liu Cixin, où on peut arriver à trouver des contrepoints à cette proposition fictionnelle. C'est un roman de science-fiction très ambitieux, de l'astronomie, de l'astrophysique, de la physique des particules, de l'informatique, des nanotechnologies. Jusqu'où va l'auteur dans les descriptions scientifiques? Et peut-on poser l'étiquette de hard SF sur cette trilogie? Restez avec nous. Loving the Alien de Visage en direct sur France Culture, car nous parlons de l'œuvre culte qui adore les aliens. Nous parlons du problème à trois corps de Liu Cixin. On en parle avec nos deux invités du jour, Gwenaël Gaffric, maître de conférences en langue et littérature chinoise à l'université Jean Moulin Lyon 3 et traducteur français de la trilogie des trois corps, et Franck Celsis, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et le cofondateur et organisateur du festival Hypermonde. Nous venons de voir dans un premier temps que le système stellaire ressemble à celui d'Alpha du Centaure, mais sans l'être, qu'Alpha du Centaure c'est un peu notre trisolar à nous. Je vous propose de faire un tour du côté des trisolariens avec un extrait, une lecture du premier volet de ce problème à trois corps. Le poste de guet 1379 existait depuis déjà plus d'un millénaire. Il y en avait plusieurs milliers du même genre sur Trisolaris, tous entièrement dédiés à l'écoute de possibles signes d'une civilisation intelligente ailleurs dans l'univers. Le guetteur du poste 1379 regarda à travers sa petite fenêtre le monde de Trisolaris. C'était la nuit sombre d'une ère chaotique. La lune géante ne s'était pas encore levée et la plupart de ses congénères étaient en état d'hibernation, déshydratés. Même les végétaux de Trisolaris avaient développé avec le temps un instinct de déshydratation. Lors des airs chaotiques, ils devenaient des bouquets sans vie de fibres séchées. Sous les rayons des étoiles, la Terre paraissait être un bloc de métal froid. C'était un de ces moments durant lesquels ils se sentaient le plus seuls. Dans le silence de minuit, l'univers apparaissait à ceux qui tendaient l'oreille vers lui comme une vaste plaine désertique. Le guetteur du poste 1379 détestait voir ses courbes oscillant légèrement sur l'écran de surveillance. C'était les ondes radio de l'univers que recevait le poste de guet, un bruit de fond sans aucune signification. Cette nuit-là, cependant, en laissant traîner son regard sur l'écran, le guetteur aperçut quelque chose d'anormal. Même des experts auraient eu du mal à dire, à l'œil nu, si la forme d'onde qui venait d'apparaître était porteuse d'une information quelconque. Mais le guetteur connaissait trop bien le bruit de fond de l'univers. La forme d'onde qui s'était dessinée devant ses yeux avait quelque chose en plus, quelque chose d'inexprimable. Cette courbe montante et descendante paraissait avoir une âme. Il était certain que cette onde radio avait été créée par une forme d'intelligence. Franck Celsis, c'est une réaction à cette lecture ? Oui, il y a plusieurs. La première, c'est qu'on disait que c'est le thème important de ce roman, c'est le premier contact. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le tout premier contact dans ce roman, il est fait à l'inverse du récit habituel de science-fiction, puisque c'est une civilisation extraterrestre qui reçoit un message venu des humains. Il va y avoir en fait petit à petit un dialogue, mais ça c'est déjà c'est une originalité. Ce qu'on entend aussi dans cet extrait, c'est justement que la civilisation trisolarienne et la biologie trisolarienne s'est adaptée à cette configuration très instable et très changeante. Ce qui montre que en fait elle existe depuis très longtemps sur des durées qui permettent à la biologie de s'y adapter. Et c'est là que, en fait, il prend quelques libertés avec justement le problème à trois corps, puisque on peut tout à fait trouver dans la nature, il doit y avoir des systèmes solaires qui, par exemple, quand ils se forment, sont dans des configurations comme ça extrêmement chaotiques, très proches du problème à trois corps. Mais par définition, elles y restent pas longtemps. Soit il y a des collisions, soit il y a des éjections, et de la même façon dans les systèmes planétaires. Ces configurations très chaotiques permettent au système justement d'explorer un grand espace de paramètres et de trouver les configurations stables que l'on trouve aujourd'hui. Donc on a déjà là, dans cet extrait, l'indication qu'on a là un peuple, une biologie, un écosystème qui a évolué dans ce trisolar très chaotique. Alors, quels sont les concepts scientifiques utilisés par l'auteur pour façonner son univers fictif et faire avancer l'intrigue ? Gwenaël Gaffric, on peut parler du côté technologie des intellectrons. Hein, c'est les trisolariens qui décident de bloquer les avancées scientifiques humaines, le temps pour eux d'arriver sur Terre plus sereinement, et notamment en faisant bugger les accélérateurs de particules. Ça, c'est une idée d'écriture assez originale. Alors, oui, en effet. En fait, ce qui intéresse aussi Liu Cixin, c'est de garder malgré tout en dépit de certains écarts ou de certaines divergences, une forme de cohérence scientifique en ce qui concerne, par exemple, le voyage dans l'espace. C'est-à-dire que les extraterrestres vont pas entrer dans l'hyperespace, et il leur faut néanmoins un moyen d'influencer, d'impacter, en l'occurrence de bloquer ou d'obstruer la science humaine. Et l'un des artifices fictionnels utilisés, c'est celui des intellectrons, alors pour le dire très grossièrement, de protons utilisés, et qui fonctionne selon un concept qui est celui de l'intrication quantique. Alors je ne me hasarderai pas à préciser et à expliquer en des termes vulgarisants ce qu'est l'intrication quantique, mais c'est quelque chose qui a déjà été travaillé un petit peu dans la science-fiction. On trouve ça chez d'autres auteurs, chez Greg Egan par exemple. Donc c'est un artifice science-fictionnel qu'on trouve malgré tout, qui n'est peut-être pas si fréquent, mais qu'on trouve malgré tout. J'en profite aussi, et puisqu'on commence à parler aussi un peu de science, de dire que dans l'usage de ces concepts, dans ce qu'a évoqué par exemple tout à l'heure Franck autour du problème à Encore, moi en tant que traducteur, j'ai beaucoup compté aussi sur des scientifiques qui m'ont aidé à relire ce travail, et là je profite de l'occasion pour les en remercier, et notamment Laurent Pagani qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris, et qui m'a permis de pas dire trop de bêtises, du moins je l'espère, de pas traduire trop de bêtises dans l'usage de ces concepts et de ces théories. Peut-être que Franck voudra préciser ce qu'il en est de l'intrication quantique. Alors, on va revenir avec Franck dans quelques instants, mais comme vous parlez de traduction, Gwenaël Gaffric, pourquoi vous avez choisi le nom intellectron, d'ailleurs, pour votre traduction ? Alors, en fait, il s'agit en chinois d'un petit jeu de mots où le terme de proton, puisqu'il s'agit en réalité de protons, qui sont, par un artifice, là encore, un peu technologique, qui deviennent intelligents, du moins qui peuvent être manipulables à distance, et qui, en chinois, sont appelés zhizi, alors que le proton est zhizi, ce qui ressemble énormément, vous allez me dire. C'est en fait un homophone utilisé qui signifie tantôt donc proton, tantôt particule, ou en tout cas proton intelligent. Donc il fallait trouver quelque chose autour de l'intelligence et du proton. Alors j'ai fait un petit écart en parlant d'électron et en appelant ça intellectron. Donc c'était de trouver une sorte d'équivalence qui n'est jamais tout à fait transparente. Franck, celle-ci, ça sur justement ces intellectrons qui permettent une communication instantanée entre la Terre et les trisolariens, avec cette idée d'une communication qui utilise l'intrication quantique. Oui, alors en fait, ce qui est frappant quand on lit ces romans, c'est qu'en fait, l'auteur a eu besoin d'établir des règles du jeu qui lui permettent de développer tout son récit, tous les twists, tout le suspense autour de ça. Ce sont des règles du jeu qui sont un peu artificielles, qui sont pas toujours très cohérentes les unes envers les autres, mais qui sont nécessaires. Qui sont nécessaires à l'établissement de son récit. C'est là éventuellement où ça s'écarte pour moi de la RDSF, parce que il n'y a pas de carcan scientifique mis sur le récit. C'est le récit qui prime, et je vais inventer la science qui va me permettre de développer mon récit. Ce qui est, alors, les intellectrons, ce sont pas juste des protons, ils en ont la taille, ils se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière, donc ils arrivent très tôt sur Terre, bien avant la flotte d'invasion. Mais ils sont, il y a un passage en fait dans le roman, il me semble, qui crée la rupture entre ceux qui s'arrêtent, les lecteurs qui s'arrêtent et les lecteurs qui continuent. C'est quand les trisolariens déploient les intellectrons sur 11 dimensions pour pouvoir les, parce que ce sont en fait des espèces de robots d'IA robotiques, etc., autonomes, communicants, tout ce qu'on veut. Il les déploie sur 11 dimensions, il les grave comme des circuits imprimés, il les redéploie. Alors c'est assez génial parce qu'il y a quelques incidents dans leur création qui sont assez géniaux. Mais je sais qu'il y a quelques amis là qui ont un peu décroché à ce moment-là, et d'autres qui ont dit ah ouais non mais c'est absolument génial. Juste pour dire que il y a beaucoup de romans de science-fiction qui ont besoin d'avoir la possibilité d'avoir des communications instantanées, quelles que soient les distances astronomiques qui séparent les protagonistes. On a souvent appelé ça l'ancible pour faire référence à la création de cette boîte noire, de ce truc, par Ursula Le Guin dans un de ses textes. Ça a été repris souvent, ça a été repris explicitement comme l'ancible par Dan Simmons dans Hyperion, qui lui rajoute une couche en disant que Alors qu'on sait que non, justement, que c'est grâce à l'intrication quantique, le fait d'avoir deux objets intriqués à des distances astronomiques, grosso modo, en les manipulant, on communique instantanément, ce qui rejoint un petit peu quelque chose dont vous avez parlé assez récemment dans la semaine que vous avez dédiée à la mécanique quantique. Vous parliez de l'expérience de pensée d'Einstein, Podolsky-Rosen, et puis des expériences d'Alain Aspect. Donc nous, on a montré que l'intrication quantique ne permettait pas de transporter de l'information instantanément. Néanmoins, ça a été utilisé comme justification par Dan Simmons, et ça a été repris ou réinventé, ça je ne sais pas, par Liu Cixin. Donc là, il crée un écart assez rude avec ce qui se passe dans notre univers pour le bien de son récit. Alors on peut aussi développer l'idée que le roman se passe dans un autre univers qui a des similarités avec le nôtre, mais aussi des différences. Liu Cixin dit dans une interview de 2019 « Je n'ai pas commencé à écrire par amour de la littérature, je l'ai fait par amour de la science ». Gwenaëlle Gaffric, on colle donc souvent sur cette trilogie l'étiquette de hard SF, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée tous les deux. Pourquoi selon vous, cette trilogie n'est pas justement de ce genre-là? Alors, je vais citer Frank Celsis, qui a, je trouve, une très belle expression pour exprimer peut-être ce qu'est la trilogie du problème à trois corps. Il parle d'uchronie scientifique. Je trouve que c'est très juste dans le sens où, dans le cas d'uchronie plus traditionnelle qui ont trait à l'histoire, donc le principe d'une uchronie, c'est de créer un récit à partir d'un point de divergence dans l'histoire. Et je crois que Liu Cixin fait ça avec la science. Et les meilleurs écrivains, les meilleurs écrivains d'uchronie, je crois, sont ceux qui maîtrisent le mieux la science de l'histoire, ou l'histoire comme discipline. Et il me semble que Liu Cixin, c'est ce qu'il fait un petit peu dans son récit. C'est un roman qui part de la science. Je pense qu'on peut difficilement lui faire le procès de ne pas connaître la science, par exemple. Mais il choisit d'adapter la méthode scientifique aux besoins de son intrigue. Alors, en ce qui concerne le terme de hard SF, ça a aussi un sens, peut-être insoupçonné, politique en Chine, mais qui est aussi a un trait avec le roman lui-même. Il faut s'imaginer qu'en Chine, la littérature de science-fiction, ça a été le cas aussi dans la littérature de science-fiction soviétique, a beaucoup parlé de science, mais une science guidée par l'idéologie. Et donc toute la littérature de science-fiction qui se développe jusque dans les années 80 en Chine parle de science, mais on fait une vision extrêmement optimiste, une science qui irait vers un but et une destinée certaine, hein, celle du maoïsme ou celle du marxisme historique. Liu Cixin met très bien ça en scène dans son premier chapitre, où il s'agit en fait de rejeter l'incertitude propre à la science, de rejeter la spéculation propre à la science. On raconte que Einstein est voué aux hégémonies parce que il propose des théories scientifiques qui iraient à l'opposé du maoïsme. Et dans les années 80, dans le contexte chinois, on voit se développer, à partir de ce moment-là, toute une littérature autour des grandes questions un peu irrésolues de la physique. Alors ça va être l'antimatière, ça va être les trous noirs, ça va être la théorie des cordes. Et Liu Cixin est, je pense, très friand de cette littérature. Il y a notamment un astrophysicien très célèbre en Chine, qui s'appelle Fang Lijie, qui a ensuite été dissident du Parti communiste chinois, qui a beaucoup introduit en Chine toutes ces grandes notions et ces grandes théories scientifiques. Il a aussi beaucoup participé à la vulgarisation de la physique, entre autres, ou de l'astrophysique. Il a fait venir Stephen Hawking en Chine. Et je pense que Liu Cixin a été un très grand lecteur de ces livres-là. Et la notion d'art science fiction en Chine est aussi une manière de redonner à la science son principe d'incertitude, de redonner à la science son vertige. Là où, jusque dans les années 80 en Chine, la science ne pouvait pas être vertigineuse, elle ne pouvait pas être incertaine. Elle était nécessairement l'outil ou l'objet ou au service, en tout cas, de l'idéologie. Frank Celsis, sur le principe de hard science, hard SF chez Liu Cixin. Alors, bon, déjà, je pense qu'on a parfois un peu tendance à oublier que science-fiction, là, il y a ce trait d'union entre science et fiction. Donc, si l'on définit une sous-catégorie qui serait la hard SF, et on peut pas juste se contenter de dire il y a de la science, c'est inspiré de la science, il y a une certaine érudition scientifique, il y a un amour de la science. La hard SF, c'est quand même quelque chose. Alors, je vais reprendre une expression qui avait été donnée par Richard Feynman, prix Nobel de physique, pour parler de la science, pas de la science-fiction. Il disait la science, c'est l'imagination dans une camisole. Et la camisole en question, c'est l'observation du monde. C'est-à-dire que vous pouvez faire la théorie la plus jolie, la plus esthétique mathématiquement que vous voulez. Si elle contredit les observations, on la met à la poubelle. On pourrait tout à fait utiliser cette image pour la hard SF, c'est-à-dire un auteur qui se met comme carcan de ne pas violer ce que l'on sait de l'univers. Bien sûr, on peut s'autoriser à explorer les zones d'ombre, hein, où la physique n'est pas encore allée ou n'a pas de choses encore à dire, des choses un petit peu ouvertes. Et voilà, les exemples très très très marquants de la hard SF, qui est vraiment une petite partie de la science-fiction, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a certains romans d'Arthur Clarke, comme par exemple Rendez-vous avec Rama, voilà, et qui rajoute, je dirais, pour certains lecteurs, beaucoup n'en ont rien à faire que ce soit très très crédible, très plausible scientifiquement, mais ça peut rajouter à certains lecteurs, dont moi, un espèce de vertige du possible, c'est de se dire que la situation que je suis en train de lire peut se passer soit dans notre futur, soit dans un autre lieu, dans cet univers-là. Une autre façon de concevoir la hard SF, ce serait de dire, je pars de quelque chose qui éventuellement viole les lois que l'on connaît, mais de partir de ce point-là et d'être complètement cohérent dans la reconstruction d'un univers. Greg Egan, par exemple, a fait ça en imaginant des histoires qui se passent dans un autre univers. Et j'aurais tendance à dire que si je reprends la formule de Feynman, où il disait, voilà, on a cette camisole, et si aussi esthétique soit votre théorie, on la met à la poubelle si elle ne convient pas aux observations. J'ai un peu envie de dire que Liu Cixin, il va préférer l'esthétique et la beauté des situations, leur dramatique, leur vertige, à la camisole. Donc par rapport à des auteurs que je qualifierais de hard SF ou des écrits, lui, cette camisole, soit il l'a enlevée, soit il l'a franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup desserrée. Et donc, il reste dans la science-fiction. Dans science-fiction, il y a science. Ça parle énormément de science. C'est passionnant pour qui aime la science. C'est écrit par un érudit des sciences qui sait de quoi il parle. Quand il fait des écarts à la science, il le fait très clairement avec un clin d'œil pour le scientifique. Donc après, bon, les catégories, c'est fait pour être discuté, et que l'on le place dans une ou dans l'autre, on va fâcher une grande partie des amateurs de science-fiction, donc je trancherai pas brutalement. Gwenaëlle Gaffric, vous souhaitiez réagir? Oui, deux choses. En fait, déjà, première chose, je pense qu'on va faire le buzz en Chine après l'émission, où sur le réseau social Weibo, il y aura toute une polémique autour de oh, quoi, Liu Cixin, c'est pas de la hard SF. Il y aura plein de fans chinois qui vont peut-être nous tomber dessus. Aïe, aïe. Non, et puis je voulais ajouter un deuxième élément sur la question en fait de la méthode scientifique. Il y a dans la trilogie une science qu'invente complètement l'auteur, qui s'appelle la cosmosociologie. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, mais qui fonctionne exactement comme une discipline scientifique. C'est-à-dire que c'est une intuition au départ d'une astrophysicienne qui repose sur à la fois une sorte de poésie qui, je pense, est à l'origine peut-être d'intuitions scientifiques, basée aussi sur l'observation. Et puis ensuite, on a l'élaboration d'axiomes, d'hypothèses. Et puis après quoi, on a, par un autre personnage, une expérimentation, l'expérience, qui est censé venir confirmer ou infirmer l'intuition théorique. Et puis, on a la validation par l'expérience des bien fondés des axiomes. Ce qui est intéressant, je pense, chez Liu Cixin et dans la science-fiction en général, c'est aussi cette concordance avec une méthode scientifique. C'est-à-dire qu'on essaie de tracer à travers la fiction ce que la science essaye de faire à son niveau. Et puis... Franck Sassis, vous souhaitiez dire un dernier mot? Non, j'étais d'accord avec ça. Et ce qui est très jubilatoire pour les scientifiques, c'est que dans cette méthodologie de théorie, on confronte cette théorie, on fait une expérimentation et on voit les résultats. Comme ce sont des choses qui se passent à des échelles astronomiques, eh bien allez, j'hiberne quelques décennies, le temps de voir si le résultat de mon expérience. Il y a le récit se ponctue comme ça de sauts par hibernation. Oui, c'est un espèce de... Il y a un dévouement là à la science qui est assez ultime. Vous nous avez même parlé de merveilleux scientifiques, Franck Sassis, pour préparer cette émission. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandra Delbo pour la chronique Avec Science. Mais un petit mot pour vous annoncer que le festival Hypermonde à Mérignac que vous a organisé, Franck Sassis, se déroule cette année du 21 au 22 septembre sur le thème Planète, à vos agendas. Et je rappelle que la diffusion de la série Le problème à trois corps sur Netflix commence le 21 mars. Merci Gwenaëlle Gaffric, merci Franck Sassis. Merci à vous. Et tout de suite la chronique Avec Science, comment les mathématiques permettent d'optimiser les performances, les JO approchent. Comment Comment les mathématiques peuvent-elles améliorer les performances sportives des coureurs? Quand on pense performance sportive, on ne pense pas maths, mais physiologie. Comment l'oxygène arrive dans les poumons, comment il est transporté aux muscles, comment le cœur se met à battre plus vite ou comment les dépenses énergétiques augmentent. Pourtant, tout ceci peut se lire en chiffres et en statistiques. Vous connaissez peut-être votre rythme cardiaque au repos ou à l'effort, en combien de temps vous faites le kilomètre ou le semi ou encore votre débit d'oxygène. L'ensemble de ces processus physiologiques et physiques du corps humain peuvent aussi se lire, se regarder en équation. Et donc, il est possible de modéliser les performances sportives. Amandine Aftalion est mathématicienne, directrice de recherche CNRS à l'EHESS et co-autrice de cette nouvelle étude. L'intérêt des mathématiques et de la physique, c'est de partir des lois de physique pour construire un modèle. Donc, notre modèle, il repose essentiellement sur trois lois qui sont assez simples à expliquer, qui sont la seconde loi de Newton, qui met en équation le mouvement, qui va dire que la variation de vitesse, c'est la somme des forces. La conservation de l'énergie, qui elle a deux sources, l'oxygène, ou énergie aérobie, et l'énergie anaérobie, c'est-à-dire celle qui ne vient pas de l'oxygène. Et enfin, l'athlète a un cerveau, et ce cerveau contrôle le mouvement. Donc un athlète ne va pas varier sa force avec un bouton on-off, il a un effort à fournir, et pour courir de façon performante, il faut minimiser cet effort. Donc on cherche à minimiser l'effort, l'énergie et le temps final pour arriver le premier. C'est le principe des coûts et bénéfices qui s'appelle en mathématiques le contrôle optimal. De nombreuses variables entrent en jeu dans ce modèle. L'énergie anaérobie, donc sans oxygène, l'énergie aérobie avec de l'oxygène, la VO2, c'est-à-dire le débit d'oxygène par unité de temps, ou encore la force de propulsion. Et théoriquement, on pourrait mesurer ces variables avec des prises de sang, des machines ou en coupant les athlètes en morceaux. Mais ce n'est pas l'objectif de l'étude. Justement, ce modèle part en fait d'une unique donnée, la vitesse de coureurs et coureuses du 400 et 1500 mètres, notamment des championnats d'Europe de Munich en 2022. Il ne s'agit pas d'une valeur globale, mais d'une valeur extrêmement précise, toutes les 100 millisecondes pendant toute la durée de la course. Grâce à cela et au modèle, bien sûr, tous les paramètres physiologiques et leurs variables ont pu être simulés et calculés pour qu'ils correspondent parfaitement à la courbe de vitesse réelle de l'athlète pendant sa course. Et résultat, voici la recette pour réussir au mieux un 400 ou un 1500 mètres. Le 400 mètres, il faut partir à fond et essayer de limiter la chute de vitesse. Donc, on se rend compte que, évidemment, le 400 mètres est une course qui se court avec une forte proportion d'énergie anaérobie, ça tout le monde le savait, mais on arrive à mettre en évidence par nos courbes quelle est l'influence de la part aérobie sur le 400 et donc comment mieux améliorer l'entraînement chez les coureurs, c'est ce qu'on propose dans l'article. Sur le 1500, il faut partir très fort pour mettre en route le système aérobie et accélérer en fin de course. On a spécialement étudié Jacob Ingebrigtsen, qui est le champion norvégien du 1500, et il a visiblement, d'après ce que met en évidence notre étude, une VO2, c'est-à-dire un débit d'oxygène qui se met en route plus vite que ses concurrents. Et ça lui permet de ne pas être obligé de partir aussi fort. Donc le premier tour, il le fait très rarement en tête. Ça lui économise de l'énergie sur le premier tour et ce qui lui permet à partir du deuxième, troisième tour d'avoir un rythme de croisière qui est plus important à un moment où au contraire ses adversaires vont être fatigués. Et ici, on touche du doigt ce qui fait une bonne course, qu'on soit championne olympique ou coureur du dimanche. Il y a de l'entraînement et des particularités physiologiques. On peut appeler ça un petit peu le talent. Mais il y a aussi le mental. Et c'est la première fois qu'un modèle mathématique ne s'occupe pas uniquement de l'aspect mécanistique et énergétique, mais intègre aussi la motivation, c'est-à-dire comment ce paramètre peut jouer sur l'intensité de l'effort et sur la rapidité à réagir. La poursuite de ces travaux, ce serait d'étendre ce modèle en l'adaptant à d'autres sports, du moment que l'on dispose de données suffisamment précises pour le faire. Et le prochain sur la liste, c'est le vélo. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Eve Etienne, Céline Lozen, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchon. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes.